connaisse pas ma vie sans toi. Je ne suis rien quand tu t'en vas. Je t'ai blessé hier sans le vouloir. Et tu veux me quitter ce soir. Ne laisse pas ma vie sans toi. J'ai trop de peine, crois-moi déjà. Je te jure de ne plus recommencer. Si tu pouvais me pardonner. Nous irons tous les deux ce soir, si tu le veux, danser dans cette boîte où l'on s'est vu pour la première fois. Serré entre mes bras, là-bas tu oublieras toutes nos querelles, tous nos ennuis. Écoute-moi, je t'en supplie. Ne laisse pas ma vie sans toi. Je t'appartiens, tu es à moi. Nous sommes faits pour nous aimer toujours. Tu veux me croire, oh mon amour. Nous irons tous les deux ce soir, si tu le veux, danser dans cette boîte où l'on s'est vu pour la première fois. Serré entre mes bras, là-bas tu oublieras toutes nos querelles, tous nos ennuis. Écoute-moi, oh je t'en prie. Ne laisse pas ma vie sans toi. Je ne suis rien quand tu t'en vas. Je ferai tout pour te garder toujours. C'est un peu ça le grand amour.